tête, je sais plus où la mettre. Je sais plus qui veut quoi et qui veut me la mettre. Pour eux, je suis pas rien, je viens d'une autre planète. Même moi, je sais pas si je suis sur Terre ou sur Namek. Je sais plus si t'es vrai, gros, je sais plus si t'es faux. Je sais même plus tes qualités et tes défauts. Je fais des minutes 100% à mandat dépôt. En dem-dem, quitte à me prendre un défaut. Revolte ta merde et bouge ton manège. Tu pourrais glisser comme une clio sur la neige. Ouais, le game, je nique et encore ils abrègent. C'est que t'as le buzz, ils veulent tous graille comme des aveugles. Tu fais le mec d'ice, le nez dans les vailles. Tu te prends devant les gens comme ça, les gagnes une médaille. Dis-moi pourquoi ils font tous comme ça. Le quartier c'est bien, mais tu te montes ça te mitraille. Franco, je suis fâché. Les deux fous, jamais la vie te faire calacher. Fais ma life, ils veulent quoi, mon buzz ou mes bails. Ouais, mais je crois en moi, qui retient ce message. J'suis sur les nerfs, regarde ce que tu sous-entends. J'suis perdu comme une mère qui supporte tous ses enfants. Moi j'aime trop le quartier, j'aimerais revenir dans le temps. Quand on joue au foot dans cette cité sans vent. J'ai vu des poursuites, des mecs revenir sans dents. Recherchez pas le truc pendant que ça meurt, tu fais un sans dents. Au check ça s'endort, ça s'arrive, ça s'éparte. J'dis bonjour mais c'est la guerre parce que tout le monde veut sa part. J'ai fait d'une embrouille dans Rosé pour que ça parte. J'parle de monter un réseau et de qui va par la porte. Qui partage les barres, qui va tenir les cartes. Qui va être dans le bloc ou devant la porte. Si c'est des choses de la sorte, faut que mes frères s'en sortent de là. Ouais. Faut plus qu'on pleure des larmes. Tu fais le mec d'ice, le nez dans les vailles. Tu te prends devant les gens comme ça, les gagnes une médaille. Dis-moi pourquoi ils font tous comme ça. Le quartier c'est bien, mais tu te montes, ça te mitraille. Franco, je suis fâché. Les deux fous, j'en ai la bouche de faire calacher.